et bienvenue sur Saint Seiya Radio. Le grand pop vient de l'annoncer officiellement, les chevaliers de bronze vont s'affronter et le meilleur d'entre eux deviendra un chevalier d'or. Bien entendu, Saint Seiya Radio couvrira l'événement. Aujourd'hui va avoir lieu l'épreuve éliminatoire. Saint Seiya, la radio du cosmos. Les chevaliers de bronze de la palestre se sont réunis au lever du soleil à la demande de Jean-François du Capricorne, le chevalier d'or dirigeant l'école. Il est temps de tester le résultat de vos entraînements. Si vous souhaitez participer au tournoi intergalactique organisé par le Grand Pop, vous devrez atteindre le sommet du Cosmo Delta avant le coucher du soleil. L'ascension de cette montagne sera difficile car de nombreux obstacles naturels seront à franchir. De plus, votre cosmo-énergie se fera absorber lorsque vous en servirez. Si vous y avez recours sans modération, vous finirez épuisé, incapable de vous déplacer. C'est essentiellement la force physique qui fera la différence. Bonne chance à tous. Mais voilà parti. Les chevaliers de bronze commencent l'escalade. Mais très vite, plusieurs d'entre eux ne peuvent passer outre les obstacles. Ils tentent d'y parvenir à l'aide de leur cosmos, mais ils s'en retrouvent dépossédés et s'écoulent par terre. Océane du Petit Lion se montre plus habile et progresse rapidement, tout comme Zef de la Licorne. Ils atteignent un croisement et Zef décide de se diriger vers la droite. Océane m'avertit que ce n'est pas la direction du sommet, mais il n'en fait qu'à sa tête, car il est persuadé que ce détour sera plus long, mais également plus facile. Océane continue donc sa route seule. Son chemin est parsemé de chevaliers étendus au sol, mais il semble avoir été attaqué par quelqu'un. Le responsable se dévoile alors. « Je suis Argo, chevalier de bronze du poisson volant. Je ne te féliciterai pas d'être arrivé jusqu'ici, car c'est très facile. »« Que veux-tu dire ?»« Seuls les médiocres se feront déposséder de leur cosmo-énergie. Trop de minables réussiront malgré tout à atteindre le sommet. Je ne peux le permettre. » Le tournoi intergalactique ne doit comporter que des challengers exceptionnels. Je vais donc faire le ménage dès maintenant pour éviter un trop plein de nuls. Tu vas regretter de vouloir faire ta loi dans la fournaise du Petit Lion. Argo se protège en attirant l'eau de la rivière devant lui. Il la projette ensuite sur Océane qui tombe à l'eau et se fait emporter par les flots tumultueux. Argo continue ensuite son funeste plan en terrassant d'autres chevaliers de bronze. Dimitri du Dragon se retrouve à son tour face à lui. Une fois encore, tu décides de n'en faire qu'à ta tête. Tu as pourtant déjà été exclu de cette épreuve pour avoir voulu te substituer au professeur. Effectivement, mais cette fois-ci, je ne me ferai pas prendre. Je me contente d'élever le niveau en éliminant les boulets. Je sens que tu seras un adversaire à ma mesure. Tous deux, nous avons un cosmos d'eau. Voyons lequel est le plus fort. Par les ailes aquatiques, ton attaque a été bloquée par mon bouclier. Elle n'est pas assez puissante pour égratigner ma défense. Mon poing est également le plus puissant parmi les armures de bronze. Si nos cosmo-énergies sont de l'élément eau, les formes prises par nos techniques sont bien différentes. Par la colère du dragon! Un dragon composé d'eau jaillit du poing de Dimitri et emporte Argo qui perd connaissance sur le sol. Quelle ironie! Me voilà pris à son propre piège, car c'est lui qui a perdu le combat qu'il a provoqué. Il ne pourra pas poursuivre la compétition comme toutes ces malheureuses victimes. Dimitri continue son chemin car le sommet du Cosmo Delta est encore loin et le soleil descend sur l'horizon. Dimitri du Dragon atteindra-t-il le sommet à temps? Nous le saurons après une passe de pub. Gravure Otak, c'est votre gravure otaku. Vous voulez une gravure inédite sur l'un de vos personnages d'anime ou manga? Alors venez passer commande sur gravureotak.fr. Je vous attends. Vous êtes toujours en direct sur Saint Seiya Radio. Je me trouve actuellement au sommet du Cosmo Delta. Dimitri du Dragon vient d'arriver à l'instant. Peu de monde ont atteint l'objectif et le soleil est presque couché. Une silhouette les rejoint péniblement. Elle arrive en boitant avec l'armure abîmée. Il s'agit d'Argo du Poisson Volant qui a trouvé en lui les ressources pour continuer l'ascension après sa défaite face à Dimitri. Jean-François du Capricorne annonce la fin de l'épreuve et la qualification de tous les présents. Mais un cri retentit. « Attendez !» Océane du Lion et Sun d'Andromède. Vous êtes arrivés quelques minutes trop tard. « Oui, mais n'éliminez pas Sun de la compétition. S'il ne m'avait pas sorti de l'eau avec sa chaîne nébulaire et porté jusqu'ici, il ne serait pas arrivé en retard. »« C'est de sa faute s'il n'est pas arrivé dans les temps. Il est trop faiblard pour remporter le tournoi intergalactique. Alors, il va trouver un prétexte pour se faire disqualifier. » tout en se donnant le beau rôle. Tu es mal placé pour critiquer, Argo. Je t'ai vu attaquer Océane et la projeter dans la rivière. Si je n'étais pas intervenu, elle serait morte. Si quelqu'un n'est pas digne de participer au tournoi, c'est bien un félon tel que toi. Espèce de... Ah ! Ta chaîne t'a protégé. Oui, dès qu'elle ressent de l'agressivité, la chaîne nébulaire réagit. Il suffit. Argo nous a effectivement démontré son manque de camaraderie vis-à-vis de ses pairs. Les chevaliers ont pour mission sacrée de protéger Athéna. Les intérêts personnels ne doivent pas interférer. La coopération est souhaitable. Comme Sun l'a bien compris, en aidant Océane au lieu de poursuivre sa route, il reste dans la compétition, contrairement à Argo, qui n'a toujours pas appris la leçon la plus essentielle. Un instant, pardonnez mon intervention, chevalier d'or. La seule chose qu'Argo comprend, c'est la force. Laissez-moi achever le combat que nous avons commencé. Nous n'avons pas le temps pour voir un combat sans intérêt, chevalier du petit lion. Alors rajoutons un enjeu. Le meilleur d'entre nous ira au tournoi intergalactique sans contestation possible. Si vous refusez que cet affrontement ait lieu, alors je ne participerai pas à l'épreuve suivante. Soit, réglez cela entre vous. Argo jubile car il est certain de remporter ce combat qui ne sera pour lui qu'une formalité. Il crée à nouveau un mur d'eau pour contrer la technique d'Océane. Mais cette fois-ci, l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur dégagée par la torse ardente du petit lion. Argo est atteint de plein fouet. Son armure du poisson volant est détruite et il chute par terre. Bravo! Argo a oublié qu'une même attaque ne marche pas deux fois sur le même chevalier. Il méditera là-dessus dans les geôles de la palestre. Pendant ce temps, son armure sera réparée par Alexis du Bélier, puis confiée à quelqu'un de plus méritant. Vous êtes donc tous qualifiés pour la phase finale, qui se déroulera dans le Colisée au Sanctuaire. Le futur chevalier d'or de la Balance est parmi vous, car vous avez tous réussi l'épreuve éliminatoire. Je tiens à souligner que celui qui est arrivé incontestablement en premier au sommet n'est autre que Ryuko, le chevalier d'Orion. Il a choisi une route extrêmement difficile pour un chevalier d'argent et n'a mis qu'une heure pour atteindre l'arrivée. C'est tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, Saint Seiya Radio sera présent au Sanctuaire la suite du tournoi intergalactique. On se quitte avec le dieu Pontos dans les entrailles du Cosmo Delta. Mère, une grande quantité de cosmo-énergie est arrivée jusqu'à vous. Ces imbéciles du Sanctuaire savent que le cosmos est aspiré sur le territoire de la montagne, mais ils n'ont jamais cherché à savoir où il allait. En venant régulièrement s'entraîner à cet endroit, ils sont en train de causer leur propre perte. Tu t'éveilles de plus en plus. Mère, et l'ironie de la situation, c'est que ce sont les chevaliers d'Athéna qui vont y contribuer. Mais plusieurs vies devront encore être sacrifiées pour assurer ton retour parmi nous. Et moi, Pontos, m'engage à te libérer moi-même de ta prison. Je trouverai le moyen de te faire sortir de là, même si je dois tuer les 12 dieux de l'Olympe. Thank you.